de ton lit. Quand j'oublie jusqu'à notre amour. Déjà dans la nuit, mon bateau part, s'en va quelque part. Les gens se séparent, j'oublie. Part dans un bar d'acajou, des violons nous rejouent notre mélodie, mais j'oublie. Tant on se part dans un jour. Tout devient flou et jusqu'à notre amour. Court, le temps semble court, tes doigts qui parcourent ma ligne de vie. Sans un